Journal de bord numéro 1. Nous sommes le mercredi 4 avril 2018 et le monde tel que nous le connaissons a disparu. Si jamais d'autres survivants entendent ce message... Pourquoi tu prends cette voix? Quelle voix? Bah la voix là, journal de bord. C'est pas ta voix ça? Alors si, c'est ma voix. La preuve, je l'utilise pour te parler là. Tu me laisses continuer? J'en étais où? Journal de bord. Je sais très bien où j'en étais. Je reprends. Le monde tel que nous le connaissons a disparu. Et nous sommes les deux seuls survivants. Ça, c'est pas sûr, hein. De quoi? Bah, le truc, là, que tu dis. J'ai dit deux trucs. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est pas sûr. Ok. Tu es d'accord pour dire qu'on est que tous les deux, là? Exact. Et que nous sommes seuls dans cette chaufferie? Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a disparu. Alors, c'est vrai. Mais tu comprends que comme je fais un journal de bord suite à la fin du monde... C'est mieux que bah, je pose les bases, tu vois? Ok, tu contextualises. Voilà. Du coup, si tu commentes chaque phrase, je vais pas beaucoup avancer. Et t'as beaucoup à dire? Alors, non, bah, je sais pas, j'ai pas forcément pris de notes. Et le tas de feuilles, là, c'est quoi? Bon, c'est les anciens épisodes de Road to Hellfest. Sérieux? Non, c'est des dessins que j'ai griffonnés tout à l'heure. Mais c'est des accessoires, ça rend le truc plus réel. Oui, comme la clope que tu faisais semblant d'allumer, quoi. Tu sais que dit comme ça... Les gens ne vont plus y croire. Ok. Je t'écoute improviser sur ton truc. La fin du monde. Le truc, c'est la fin du monde. Je peux ? Oui, vas-y. Merci. Si jamais quelqu'un, quelque part, reçoit ce message, eh bien qu'il... je sais plus ce que je voulais dire. Je pensais à un truc, là. Tu t'adresses bien à notre audience, là. Notre audience ? Sérieux ? Admettons. J'aurais vu un truc un peu plus péchu, tu vois, pour ma part, comme j'aime à le dire. Histoire qu'il soit pas trop perdu, genre... Bonjour, bienvenue dans l'épisode 1 de ce journal de bord spin-off de Road to Hellfest, et ce soir au programme, la fin du monde. Un truc dans ce genre-là, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est parfait, ouais, on va faire ça, ouais. Puis on va trinquer, prendre des news de notre semaine, qu'on a passé tous les deux ici, et parler dans le vide pendant une heure ou deux, sans savoir à qui on s'adresse. Moi, perso, je suis chaud, hein. T'en ouvres une? Ça y est, j'ai mal au crâne. Eh voilà, on va encore dire que c'est de ma faute. C'est bon, j'arrête. Ok, d'accord. Alors, à la semaine prochaine, on vous aime et on vous emmerde.